Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Amour, délices et orgues, des mots masculins au singulier mais féminins au pluriel. Les grandes orgues, les délices interdites, oui, c'est féminin au pluriel. Mais pour amour, il y a une subtilité. Faut-il parler des amours filiales ou des amours filiaux quand il est question des sentiments d'un fils à l'égard de ses parents? Eh bien, dans ce cas, le pluriel du mot amour n'entraîne pas toujours le féminin et pour une bonne raison. Littré, l'auteur à la fin du 19e siècle d'un dictionnaire qui porte son nom, écrit que amour a été masculin et féminin dans les deux siècles derniers. Aujourd'hui, il n'est susceptible de recevoir les deux genres que quand il signifie la passion d'un sexe pour l'autre. Ailleurs, il est masculin. Oui, féminin et pluriel, l'amour appelle au sexe. Grévis, le sublime grammairien, ne dit pas autre chose dans le bon usage de la langue française. Amour, dans l'acception générale, affection profonde, personne aimée, attachement qu'on éprouve pour une chose, est masculin en tout temps. Amour, lorsqu'il signifie passion d'un sexe pour l'autre, passion charnelle et féminin et masculin au pluriel. Ainsi, il est possible de parler d'amour filial ou d'amour filiaux sans faire de faute de grammaire, mais la différence de sens qu'implique le changement de genre est une véritable faute morale, un crime. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous parlons des relations entre frères et entre sœurs également, avec un regard qui va se porter sur la Bible, car le livre commence par un meurtre. Le pauvre Abel, tué par Caïn, et le mot frère dans la Bible est lié souvent à des conflits, alors que le mot frère dans le christianisme et dans l'histoire est lié à une relation fraternelle idéalisée. Venez mes frères, venez mes sœurs, écoutez aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nos historiennes nous parler de cette relation complexe entre frères. Bonjour Anne-Laure Zwilling. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur au CNRS. Vous avez publié « Frères et sœurs dans la Bible, les relations fraternelles dans l'Ancien et le Nouveau Testament ». C'est aux éditions du CERF. Dites-nous, Anne-Laure Zwilling, quelle est cette relation étonnante? Vous voyez une différence majeure entre l'Ancien et le Nouveau Testament? En fait, non. Je pensais au début, avant de commencer le travail. Et puis, j'ai abordé la question de la fraternité dans la Bible, dans les textes bibliques, à partir d'une analyse narrative, c'est-à-dire de la façon dont les relations entre frères et entre frères et sœurs, encore que les filles, on n'en parle pas tellement dans la Bible, mais à partir de la façon dont c'est raconté, à partir de leur mise en récit. Et là, j'ai trouvé des constantes, en fait, entre les deux livres. La première étant, et la majeure constante étant la complexité de ces relations et leur retentissement sur les vies adultes. Et puis, le mot est entré dans le vocabulaire, le mot frère, le mot sœur également, a pris plein de sens. C'est ce que vous allez nous raconter, Anne-Laure Zwilling. Et avec nous, aujourd'hui, ce matin, dans le cours de l'histoire, Marie Capard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes généalogiste. Tout à fait. Mais quel est votre métier, en fait? Vous travaillez... Non, mais faire de la généalogie, parce que... Que, voilà, vous cherchez les ancêtres. Nous avons, je pense, chez nos auditeurs qui sont évidemment férus d'histoire, plein de gens qui s'intéressent à leur propre généalogie, mais ils le font eux-mêmes, ils vont sur Internet. Vous travaillez, vous, pour qui? Alors, mais pour un panel assez large et différent de personnes, il y a les personnes qui aimeraient bien faire leur généalogie mais qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas parfois les connaissances ou qui ne savent pas se déplacer dans les archives, et donc bien je mets mon expertise et mon temps et mon énergie à aller dans les archives et à leur trouver les sources, espérons-le, qui puissent leur donner des pistes et des informations sur leurs ancêtres. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui parle à l'historien, à l'historien. Historienne, c'est en tout cas le goût de l'archive, parce que l'archive est essentielle dans la démarche. Alors nous allons parler des frères et des sœurs, et en fin d'émission nous allons retrouver Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, petit tour au texte, j'ai envie de dire fondamental, celui qui fonde le propos d'aujourd'hui. Nous allons retrouver Caïn et Abel. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Extrait célèbre de la Genèse dans la Bible, lu par Élodie Hubert. Ici, nous avons un meurtre à l'origine, donc dès le début de l'histoire, selon la Bible. Anne-Laure Zwilling, quel sens donnez-vous à ce frère qui tue son autre frère au début de la Bible ? J'ai envie de dire, ça commence mal. Ça commence très mal, c'est en tout cas ce qu'on en a souvent retenu. Ce sont les premiers frères, hein. C'était Adam et Ève étant les premiers humains, Caïn et Abel sont les premiers frères. Et c'est ça que je trouve fascinant. Vous avez vu, on a un texte très court. On en parle encore des millénaires après, ça intéresse plusieurs groupes religieux. Et je pense que c'est parce que, on l'a vu, la traduction a été très intéressante, elle est bonne, mais elle montre bien la complexité du texte, hein, la bouche de la terre qui s'ouvre pour recueillir les sangs de ton frère. Il y a beaucoup de termes qui sont questionnants, le tout est d'une densité énorme. Il est situé, ce texte, dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui sont une partie un peu spécifique de la Genèse, avec des accents très mythologiques, où justement Dieu parle aux hommes, où on se promène dans des espaces dont on ne sait pas très bien lesquels ils sont, etc. Et on voit bien que ce texte, il a une portée bien autre que de raconter une simple histoire de famille. Et puis, la logique même de l'histoire, on peut se dire, si les deux premiers frères, alors non pas s'entretuent, puisqu'il y en a un qui tue l'autre, il n'y a pas de réciprocité. Il y a un qui tue Abel. Voilà. Mais ça devrait s'arrêter là. Surtout dans une culture donc écrite pour le judaïsme à l'époque où on était imprégné de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. En principe, Caïn a tué, on le tue, et alors l'histoire s'arrête là. Et c'est ça qui m'a fait partir un peu dans ma recherche, et que justement, l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas là, et puis vous avez un matériau magnifique qui est la Bible en soi, enfin l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tous les écrits autour. Parce que c'est vrai que, vous l'avez rappelé, Anne-Laure Zwilling, c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui encore. Caïn est un prénom qu'on connaît, ça évoque quelque chose. Quand vous avez cet énorme matériau à défricher, vous partez à la recherche des frères et des sœurs dans la Bible. La quête était bonne. C'est un peu épouvantable au début, au sens propre du mot. Hein. Alors j'ai restreint un peu, c'est-à-dire que j'ai exclu ce qui est simplement les données factuelles. Hein. Un tel est la sœur d'un tel, etc. Je suis restée sur les récits. J'ai exclu aussi, de ce fait, les textes généalogiques. Il y en a pas mal dans la Bible, chose, fils de truc, fils de machin, fils de, etc. Et puis j'ai exclu aussi les textes juridiques, qui sont en cas d'héritage, le frère aura, etc. Et donc moi je suis restée sur les récits, ça a donné 5 textes dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau. C'est déjà énorme parce que en fait ce sont des textes très connus. Et donc il y a non seulement les textes eux-mêmes, qui sont, comme on vient de l'entendre, pas toujours faciles à comprendre, pas toujours faciles à interpréter, avec ce qu'on appelle parfois des apax, c'est-à-dire des mots qui ne se trouvent qu'une fois dans le texte biblique, sur l'ensemble du texte, et donc pour lesquels la traduction est parfois un peu hésitante, on n'est pas totalement sûr de ce que signifie un certain nombre de termes, en tout cas dans le texte de Caïn et Abel qu'on vient d'entendre. Et donc ce sont des textes difficiles et en plus de ça, ils sont chargés de siècles d'interprétation. Et la difficulté, c'est de se dire, j'ai un peu envie de dire quelque chose de neuf, parce que sinon à quoi bon ? On ne va pas déforester rien que pour redire ce qui a déjà été dit. Mais en même temps, on ne peut pas faire abstraction de tout ce travail, de toute cette recherche. Et on peut se demander, à ce moment-là, si ce qu'on apporte de neuf, c'est uniquement pour le principe de la nouveauté, ou si ça va plus loin que ça. Donc, j'espère avoir apporté du neuf qui ne contredit pas l'ancien, mais qui l'amène un pas plus loin. Ah, ça l'amène un pas plus loin, parce que nous allons avoir là quelques dizaines de minutes de conversation qui vont nous conduire, comme moi je l'ai été par vos travaux, Anne-Laure Zouding, vers des réflexions beaucoup plus larges. Et c'est vrai que ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est de comprendre pourquoi ce mot frère, qui est devenu vraiment dans notre civilisation judéo-chrétienne, ou en tout cas chrétienne, plutôt un mot qui est utilisé, viens mon frère, a tué mon frère, alors que dans la Bible, les exemples que vous donnez, Anne-Laure Zouding, sont toujours des histoires complexes. Vous en avez pris plusieurs, en tout cas celles qui racontaient quelque chose. Et j'ai été surpris de me rendre compte qu'il y a des histoires, c'est vrai qu'on l'oublie, on les connaît souvent par les représentations artistiques. On les a vues en peinture, mais enfin bon, Rachel et Léa, donc là on a deux sœurs, c'est une relation hallucinante en fait. Il se passe quelque chose de fou. Ce sont toutes des relations très riches, hein. Ce sont tous des textes fascinants. Vraiment, j'encourage les auditeurs à aller les lire, ne serait-ce que pour le plaisir de la littérature elle-même. C'est une dimension qu'on oublie parfois. On ne prend les textes bibliques que pour des textes sacrés, donc ils n'ont d'intérêt que pour les personnes pour qui ça entre en jeu dans leurs convictions religieuses. Au-delà de ça, il y a une richesse littéraire des textes bibliques. En tout cas, moi, c'est ce dont je suis convaincue. Alors, vous dites c'est principalement chrétien. C'est bien judéo-chrétien. On a dès le judaïsme, déjà, cette notion du peuple de Dieu, des enfants d'Israël. Il y a déjà la métaphore de la filiation et de la famille qui est utilisée pour parler des relations donc du groupe religieux. Et puis, ça a été repris évidemment dans l'islam. On entend beaucoup aujourd'hui, ben c'est très galvaudé, mes frères. Voilà, c'est encore beaucoup utilisé. Ça a un sens encore pour bon nombre de personnes. Et dans un certain nombre de groupes religieux, c'est une véritable appellation. Dans certains pays, en plus peut-être qu'en France, où ça s'est un peu perdu, où quand on dit mon frère, ma sœur, c'est plutôt pour les religieux, les religieuses dans le christianisme contemporain. Mais c'est pas le cas dans tous les pays, c'est pas le cas partout. C'est une mode de penser les relations qui est très intéressante. Et c'est ce hiatus entre cette fraternité idéale, cette utopie du grand amour partagé par tous, d'une part, et d'autre part, ces textes bibliques qui ne font pas dans la dentelle, hein, qui sont parfois assez crus, qui racontent des relations dans lesquelles on se tue, dans lesquelles on se viole, dans lesquelles on se vole des choses les uns aux autres, dans lesquelles on s'exclut de la famille. Enfin, ça y va fort. Alors, évidemment, on pourrait peut-être s'étonner de ne trouver que ça dans les textes bibliques, mais on le dit toujours, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ceux pour lesquels ça s'est très bien passé, on n'a pas le récit. Heureusement, voilà. D'ailleurs, parce qu'il y a déjà bien assez de pages de textes bibliques à étudier comme ça. Bah dans le cas de Rachel et Léa, effectivement, c'est Jacob qui tombe amoureux de Rachel. Donc, il demande au papa de pouvoir se marier avec Rachel. Mais le papa est un peu rusé et il échange en fait et il donne à Jacob l'autre fille, Léa. Et c'est quelque chose de terrible en fait de se dire le père qui donne la sœur en fait. Et parce que après il y a se crée des histoires de jalousie parce que Rachel est extrêmement belle, mais il y a un problème de stérilité. Enfin, c'est toute une narration, et vous avez raison de le souligner, Anne-Laure Zouling, il y a vraiment un aspect littéraire et narratif qu'il faut prendre en compte. Et vous, en tant que chercheuse, vous portez un regard d'historienne sur ces cas. Alors, par exemple, un cas de frère et de sœur. Ici, cela nous dit quoi dans la Bible ? Alors Rachel et Léa, c'est une histoire passionnante parce que c'est justement une histoire de sœurs. On n'en a pas beaucoup, on l'a souligné au début. Déjà ça, c'est très intéressant, mais c'est une histoire de sœurs qui est imbriquée dans un récit plus large qui est celui de la vie de Jacob, puisqu'il se passe des choses pour Jacob avant dans le texte biblique, dans l'ordre du texte biblique, et il se passe ensuite des choses encore pour Jacob. Jacob étant dans une relation compliquée avec son frère Ésaü, à qui il a volé le droit d'aînesse, ou il a récupéré le droit d'aînesse à la suite d'une tromperie, puisqu'il y a les deux éléments. Et ensuite, c'est pour ça que Jacob est parti de chez lui, parce qu'Ésaü n'était pas très content et qu'Ésaü était plutôt musclé et plutôt quelqu'un avec qui on n'avait pas envie de s'expliquer. Donc Jacob part le temps que les choses s'apaisent. Il arrive pour s'installer chez son oncle et tombe évidemment amoureux donc, de Rachel, la belle Rachel, qui n'est pas l'aînée. Et on a la même histoire d'inversion d'aînesse et du droit d'aînesse et puis de la cadette, avec un élément très drôle dans le texte biblique, puisqu'on ne sait pas comment s'est fait cette inversion des sœurs qui étaient destinées à être l'épouse. épouse. On sait simplement qu'il y a la fête de mariage. Laban promet Rachel à Jacob. Et le texte biblique dit, je cite, « Et au matin, oh, c'était Léa ». Ouais, c'est formidable. C'est extraordinaire. C'est formidable parce qu'en plus, ça laisse l'imagination. Tout. On peut tout imaginer. D'ailleurs, les interprètes ne sont pas privés au travers des siècles. Mais les artistes aussi, c'est ça qui est formidable. Sur comment s'est faite cette substitution. Mais je trouve que l'immense richesse du texte biblique là, c'est justement de laisser le lecteur face à comment ça a pu se faire pour que la surprise demeure intacte. Et puis ici, nous avons un cas très particulier, un cas de sœur. Vous l'avez souligné, Anne-Laure Zouling, c'est assez rare. Ce sont souvent des questions entre les frères, des questions qui sont reprises même dans la culture populaire. Nous allons à la rencontre de Moïse qui appelle Pharaon son frère. C'est dans la comédie musicale Les Dix Commandements. C'était en l'an 2000. Mon frère, oh donc je pense qu'on comprend qu'il y a quelque chose d'essentiel autour de la notion de frère, mon frère qui est sans cesse répété. C'est Daniel Lévy et Amen Moussi qui chantent donc dans cette comédie musicale Les Dix Commandements. Mais cette notion de frère que l'on applique à l'Ancien Testament en la regardant d'aujourd'hui, mon frère, est-ce que cela peut correspondre, Anne-Laure Zouling, à ce qu'était un frère? Prenons l'Ancien Testament. Est-ce que dans l'Ancien Testament, un frère est quelque chose d'évident, comme nous l'entendons, une relation des enfants d'un même père ou d'une même mère? Alors le terme lui-même, déjà dans l'Ancien Testament, désigne aussi bien la relation biologique d'enfants issus d'un même père ou d'une même mère, parce que frère et demi-frère, la distinction n'est pas toujours faite, mais il est aussi utilisé dans un sens plus vaste de membres d'une même tribu, de membres d'un même pays, d'un même village, et encore d'une façon métaphorique, on le trouve déjà dans la Bible, comme je le disais, les frères en religion, les frères en conviction, et on appelle frère aussi celui avec qui on fait un traité d'alliance. Ce qui pourrait être ce qu'on vient d'entendre là, quand Moïse appelle Pharaon frère, c'est cette dimension-là, c'est-à-dire établissons une relation dans laquelle on peut se faire confiance. Encore que les textes bibliques disent aussi que nul ennemi est pire qu'un frère. Oui, donc c'est vrai qu'il faut toujours se méfier. On trouve de tout. Il faut se méfier de tout, mais Anne-Laure Zouling a bien écouté ce que vous dites. Le frère, ça peut être le frère biologique, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Ça peut être également une vision beaucoup plus large. Est-ce que cette notion de frère, on a envie de l'associer au judaïsme, par exemple à ce peuple, les Hébreux qui partent en exil. Est-ce que cette idée de communauté peut expliquer pourquoi le mot frère désigne un ensemble? Est-ce qu'il y a une volonté de se montrer comme une famille? Oui, bien sûr. Bien sûr, la question essentielle étant au moment du christianisme, justement de sortir d'un peuple élu, qui était la dynamique qui était majoritaire dans l'interprétation de l'Ancien Testament, pour s'ouvrir aux personnes qui viendraient à ce nouveau groupe religieux par conversion. Et donc, ils ont repris la même idée d'appartenir à un même groupe en prenant la métaphore biologique de cette appartenance. Mais là, ça s'est transformé en les enfants de Dieu sont donc tous frères en Christ. Et c'est ce changement-là, cette inflexion, en fait, d'un terme déjà utilisé dans un sens métaphorique qui a été réutilisé. Alors, c'est très intéressant de voir comment, en étudiant le texte, ce que vous avez fait à Anne-Laure Zouling, en étudiant le texte de l'Ancien Testament, le texte du Nouveau Testament, en cherchant toutes les occurrences du mot frère, on se rend compte de plusieurs sens autour de ce mot, de plusieurs sens et de plusieurs utilisations. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement contextualiser. Il y a de l'histoire, on a parlé de Rachel et Léa, on a parlé de Jacob, on a parlé de Moïse et de Pharaon, on pourrait parler du fils prodigue et de son frère. Donc, il y a deux frères, il y en a un qui s'en va vivre l'aventure, il revient un jour. Et là, il est grandement fêté, ce qui ne plaît pas beaucoup à son frère. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revint et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs et lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond : « C'est ton frère qui est arrivé. » Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père « Écoute, depuis de nombreuses années je travaille pour toi, je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. » Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles, mais quand il arrive, tu fais tuer le veau gras pour lui. » Le père lui répond, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort, et il est revenu à la vie. » Le fils prodigue, lecture d'une histoire tirée d'un livre assez connu, la Bible, Anne-Laure Zwilling. Cette histoire du fils prodigue, ça ne se passe pas bien en fait, les histoires de frères dans l'Ancien Testament. C'est étonnant parce que vous avez identifié en fait plusieurs étapes, j'ai envie de dire, dans chaque histoire. Il y a la mise en place de la situation, il y a une tension qui peut aller très loin dans la confrontation. Et puis, surtout après, il y a l'étape qui suit, presque une résolution. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Tous ces textes bibliques, ils ont la même structure. D'abord, ils parlent de questions essentielles. Qu'est-ce qui m'est dû? Quelle est ma place? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce que j'ai la vie que je veux mener? Est-ce que celui qui est à côté de moi, qui est mon frère, qui est ma sœur, il n'est pas en train de prendre tout le soleil et de me laisser dans l'ombre? Ça, ce sont des questions qui résonnent. Quand on entend ces textes-là, ça vous prend parce que immanquablement, vous avez été concerné à un moment ou à un autre de votre vie. Et tous ces textes bibliques mettent en scène des adultes. Intéressant, il y a très peu d'enfants qui sont vraiment mis en scène dans le texte biblique, à part une toute petite partie sur l'enfance de Jésus, et encore. Mais ce sont des histoires, comme vous le dites, qui sont complexes, avec leur scène initiale, et puis ce qu'on appelle le nouement, c'est-à-dire le moment où on voit que la situation porte des difficultés, qui va jusqu'à son paroxysme, la résolution, et qui ensuite se termine par une situation qui fait miroir à la situation première et qui montre ce qui s'est passé. Et tous ces récits de relations fraternelles sont des récits qui montrent une évolution, et qui montrent la possibilité de faire progresser encore les relations fraternelles, y compris à l'âge adulte. Et c'est en ça, je pense, qu'elles sont très riches, qu'on les a conservées, qu'on peut encore les entendre aujourd'hui. Et je pense que c'est en ça que la métaphore de la fraternité est porteuse pour les groupes de croyants qui s'en réclament. C'est dans la possibilité de faire progresser la relation et de prendre part à son amélioration par une réaction par rapport au contexte dans lequel on est. On parlait de Rachel et Léa tout à l'heure, deux femmes enserrées dans une difficulté d'une stérilité qui n'est jamais une situation choisie, dans une attente sociale qui n'est pas la leur, dans une relation très complexe, puisqu'elles sont mariées toutes les deux au même homme, et qui réussissent à s'en sortir en prenant en compte leur situation propre, en l'exposant, en en parlant en vérité, et c'est ça qui va faire le dénouement. Et très souvent, on le voit dans les textes bibliques, c'est le moment où les protagonistes prennent en compte la situation, la verbalisent et réagissent par rapport à ça que les tensions, les difficultés peuvent se résoudre. Anne-Laure Zwilling, ça donne d'autant plus d'importance à l'histoire de Caïn et Abel, que dans le cas de Caïn et Abel, il n'y a pas de résolution. C'est-à-dire que c'est le meurtre définitif. Et donc, le fait qu'il y ait tout au long des textes bibliques des histoires de frères et une histoire de sœurs au moins, Rachel et Léa, ça donne un écho... Marthe et Marie dans le Nouveau Testament. Et c'est vrai, Marthe et Marie dans le Nouveau Testament, c'est vrai que ça donne un écho différent au meurtre originel. Alors ce meurtre originel, pour moi, il est celui qui met en perspective, ce qu'on appelle met en abîme la totalité des autres récits. Parce que justement, vous dites, il n'y a pas d'issue. Non, c'est sûr, Abel est mort et il restera mort. Et pour autant, ça ne s'arrête pas là, comme on le sait, puisque Caïn lui-même pourra ensuite s'établir, fonder une autre famille et que l'humanité existera. Donc ça ne s'est pas terminé et ça ne s'est pas terminé parce qu'il y a une discussion entre Caïn et Dieu qui intervient à plusieurs moments dans le texte, qui le met en tension, qui propose d'autres horizons, qui montre qu'il est possible de réagir autrement. Et il me semble que ce texte porte justement la leçon de dire aux gens, voilà, quand on tue le frère, c'est ça qui se passe. Il est mort, il revient pas. Mais on ne peut pas établir une société là-dessus. On est obligé de le faire autrement. Et parce qu'il y a eu ce meurtre primordial, parce qu'il est posé au tout début de l'histoire de l'humanité, on ne doit pas le refaire puisqu'on sait que c'est une impasse. Et c'est dans ce sens-là que ce texte, il est à la fois une fermeture dans le texte lui-même et une ouverture pour le lecteur qui est de dire, voilà, on explore toutes sortes de modalités de la fraternité dans les textes bibliques, on en expose et il y en a qui sont des contre-modèles. Et voilà ce qu'on dit de Caïn et Abel, ce n'est pas la solution. Oui, c'est pour montrer que l'humanité est aussi capable de fraternité au-delà même du moment absolu d'horreur d'ailleurs qu'est le meurtre du frère. Cette fraternité, ce mot frère, se développe donc et on le retrouve partout ensuite dans le christianisme. Il y a évidemment les moines sont des frères. Il y a le mot qui est généralisé, viens mon frère. Et puis il y a évidemment toujours le frère biologique. Allez, on va faire un petit tour au XVIe siècle. Vous voyez, on fait un énorme saut dans le temps, mais c'est juste pour le plaisir de retrouver Gargantua de Rabelais, lu ici par Philippe Noiret et Jacques Villeray, lu plutôt joué. Hé, oh, oh, frère Jean, mon ami, frère Jean, mon grand cousin, frère Jean de par le diable, l'accolade, mon ami. À moi, l'embrassade. Oh, tsa, tsa, tsa, couillon. Viens ça que je t'éreinte à force de t'accoler. Et frère Jean de rigoler, jamais homme ne fut tant courtois et gracieux. Page de l'eau, boute, mon enfant, boute, elle me rafraîchira le foie. Baille ici que je me gargarise. Ah, c'est Gargantua de Rabelais, où il y a des frères partout, parce que nous sommes au XVIe siècle et nous sommes dans une civilisation où les moines sont omniprésents, où le mot frère a pris un sens différent de celui qu'on peut trouver dans la Bible. Il a pris un sens différent où on va trouver des liens avec ce qu'il y avait dans la Bible, mais le mot a évolué. J'ai envie de vous demander, Anne-Laure Zwilling, le Nouveau Testament est une chose. Jésus, les évangiles et puis les divers textes qui composent le Nouveau Testament. Et puis après, il y a la mise en place du christianisme dans les premiers siècles de notre ère. Le mot frère a-t-il changé de sens à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une volonté pour les chrétiens de s'accaparer aussi le mot frère pour se montrer comme une famille, peut-être en construction par rapport au judaïsme? Alors, il y a certainement eu une construction dans le christianisme par rapport au judaïsme, ça c'est une évidence. Comment ça s'est traduit pour les frères, c'est un petit peu moins ma spécialité, ça. Il y a, je pense, ce que Weber en sociologie décrit comme l'institutionnalisation. Et donc le moment où, après l'effusion du départ, on est dans quelque chose qui s'organise, qui s'institutionnalise. Et là, le frère religieux, c'est la fonction, le frère. Il est frère par sa fonction avant d'être frère par qui il est. Et je crois que c'est cette évolution-là qu'on voit dans le texte qu'on vient d'entendre, où on voit aussi l'utilisation du duo plusieurs fois, du duet mon ami, mon frère, qui est bien pour rappeler que ça a beau être mon frère, ça pourrait ne pas être mon ami quand même. Et c'est important de le souligner parce que, Anne-Laure Zwilling, quand vous étudiez tous ces textes de la Bible, vous avez bien vu que ce qui apparaît, ce sont les tensions souvent entre les frères, mais vous le dites avec justesse, c'est vrai qu'on parle pas de ce qui se passe bien, mais j'ai malgré tout envie de vous demander, il y a beaucoup de frères biologiques cités dans la Bible où ça se passe bien. Bien sûr. Bien sûr. Alors, en général, on en parle très vite. C'est pas à cela qu'on consacre des dizaines de pages. Il y a des sagas de frères, il y a des personnages. Et puis, naturellement, qu'à partir du moment où un personnage est devenu important, on a aussi glosé, ajouté et augmenté les textes. C'est aussi ce qui donne leur épaisseur à ces vies. Et dans le Nouveau Testament, c'est vrai qu'il y a ces figures de sœurs de Marthe et de Marie. Est-ce que là, nous allons trouver une relation entre les sœurs en l'occurrence ou entre les frères qui peut évoluer, je pense, à Jésus et ses disciples, où on a une relation fraternelle hors de la biologie. Alors on est justement au cœur de ça. L'autre texte qui est dans le Nouveau Testament, c'est une parabole, donc c'était un récit imaginaire, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est un récit qui, en principe, aurait été historique, aurait été une réelle rencontre entre Jésus et deux personnes. Et justement, il me semble que le cœur de la question là est, quelle serait la place des femmes comme disciples? Puisque on a une question qui tourne autour de Marthe et Marie, l'une des deux, Marthe qui s'agite dans la cuisine et qui essaye de faire la réception, parce qu'on parle de Jésus, mais certainement qu'il n'était pas tout seul. On imagine qu'il y avait pas mal de monde et qu'il fallait donc s'occuper de nourrir et abreuver tous ces gens-là. Et Jésus lui enseignait comme il le faisait, c'était une figure de rabbi. Il donnait, dispensait son enseignement et Marie s'est assise au pied de Jésus et elle écoute. Et Marthe vient dire « Écoute, t'es bien mignonne, mais moi je suis toute seule, là je rame, j'ai besoin d'aide. » Et elle s'adresse à Jésus en lui disant « Dis à ma sœur de venir m'aider. » C'est une demande un peu manipulatoire. C'est pas elle qui va directement voir sa sœur qui lui dit « Viens m'aider. » Elle dit à Jésus, en gros, explique-lui que c'est pas sa place. Et c'est là que la parole du Nouveau Testament est très forte, parce qu'il faut aussi remettre ça en contexte. On sait pas énormément de choses sur la place des femmes à l'époque du Nouveau Testament, mais on sait que même si certaines pouvaient avoir une certaine autorité, une certaine importance sociale, etc., ça restait quand même bien cadré. En tout cas, c'était pas bien vu par tout le monde. Là, Jésus répond de façon un peu glissante, un peu marginale à Marthe, en lui disant tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Ce qu'on a souvent vu comme quelque chose de péjoratif, de minorant, du enfin, qu'est-ce que tu viens nous casser les pieds avec tes casseroles en quelque sorte. Et c'est pas du tout ça, à mon avis, qu'il lui dit. Il lui dit, Marie a fait un choix. Et c'est ça qui est essentiel. Pour moi, c'est cette phrase-là, plutôt que tu t'inquiètes de beaucoup de choses. C'est Marie a choisi quelque chose et ça ne lui sera pas enlevé. Et je crois que c'est ça, c'est ce moment-là où, du coup, on passe de la situation quotidienne à quelque chose qui est plus en direction d'une fin du monde espérée et donc d'un autre mode d'être. Et là, Jésus dit, le choix d'être disciple, le choix d'écouter, personne ne peut le faire à la place de quelqu'un. Mais si une personne l'a fait, ça ne lui sera pas enlevé. Et c'est là qu'on bascule donc de la vie réelle, quotidienne, etc., à l'enseignement de Jésus sur la fin des temps. Voilà, donc à partir de ces mots, frères, sœurs, vous, Anne-Laure Sweeling, vous tirez des fils dans l'Ancien Testament. Et comme on l'a dit, désormais, quand on entend « mon frère, viens », on se dira « tiens, il y a des sens à lire derrière ce mot de frère ». Vous avez une épaisseur. Il y a une épaisseur et c'est cette épaisseur qui donne du relief à la vie. Merci beaucoup Anne-Laure Sweeling. « Frères et sœurs dans la Bible, les relations fraternelles dans l'Ancien et le Nouveau Testament » aux éditions du Cerf. Restez avec nous parce que nous allons parler généalogie. Et puisque nous parlons généalogie, eh bien autant écouter ce que Georges Brassens nous disait de l'ancêtre. Notre voisin l'ancêtre était un fier galant qui n'emmerdait personne avec sa barbe blanche. Et quand le bruit courut, ses jours étaient comptés. On s'en fut à l'hospice afin de l'assister. On avait apporté les guitares avec nous, car devant la musique, il tombait à genoux, excepté toutefois les marches militaires, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre, émule de Django, disciple de Crolla. Toute la fine fleur des cordes était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime audition, en guise de viatique, une ultime audition. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les guitares sont restées à la porte cochère, et le dernier concert de l'ancêtre déçu, ce fut un pot pourri de cantiques peu chers. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas de musique d'orgue, oh non, pas de chant liturgique pour qui avale sa chique, mais des guitares crénom de nom, mais des guitares crénom de nom. On avait apporté quelques litres aussi, car le bonhomme avait... Georges Brassens qui chante l'ancêtre dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Dans le cours de l'histoire, aujourd'hui, nous réfléchissons à cette relation magique entre les frères, entre les sœurs, et nous quittons la Bible pour nous rendre jusqu'aux archives avec vous, Marie Capard. Marie Capard, vous êtes généalogiste. Cette passion française de la généalogie, vous en avez fait votre métier, ce qui n'est pas rien. Cette passion française de la généalogie, vous la voyez ancienne? Vous avez vu l'évolution très nette? Alors oui, j'ai vu une évolution très nette et pour l'instant vraiment un moment où la généalogie reprend quelque part du poil de la bête. Donc en fait, il y a vraiment d'abord, c'est comme vous l'avez souligné, très très ancien, la volonté de renouer ses racines, de connaître d'où on vient, de qui on est le parent, de qui on peut se prétendre quant au territoire, quant aux propriétés, etc. Et pour lequel il faut montrer des documents. Alors on l'a vu il y a quelques jours avec Monsieur Morcel. Oui, Joseph Morcel. Documents ne sont pas forcément toujours authentiques ou aussi anciens qu'on voudrait le présenter. Donc il y a quelque chose aussi de fabriqué, mais il y a une claire transition et modernisation au fil du temps sur les raisons sous-jacentes pour le fait de rechercher ses ancêtres. Et on voit vraiment maintenant, avec l'entrée dans le 21e siècle, avec Internet, avec le nombre de sites et de personnes qui vont en ligne. Alors, bien entendu, il faut, pour des raisons de méthodologie, leur expliquer que c'est pas aussi simple que ça. Voilà, qu'il y a des sources derrière, qu'il y a un respect de l'archive, qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi en ligne ou juste taper son patronyme sur un moteur de recherche et faire « Ah ben voilà, c'est mon ancêtre !» Ça marche pas comme ça. Donc, il y a un gros travail d'éducation à faire et il y a plusieurs écoles dont une qui vient de s'ouvrir à Strasbourg récemment, qui enseigne cela aux gens pour d'abord ne pas les dégoûter, les décourager aussi, parce que le néophyte pourrait être découragé en se disant « D'accord, ah, c'est pas aussi simple que ça, mais quand je vais aux archives, je suis un peu perdue, je m'en sors pas. Comment est-ce que je dois faire ? Moi, mon background d'études, etc., c'est pas aussi net que c'est pas du tout l'histoire, par exemple. » Donc, il y a une question de transmission aussi. Et il y a une modernisation, vraiment, avec tous les sites Internet. Et maintenant, tout le monde veut rechercher ses ancêtres. C'est vraiment génial à voir, parce qu'il y a une réappropriation des gens par rapport à leur histoire. Oui, il y a un intérêt évident pour l'histoire dans notre société, ça nous le savons. Il y a un intérêt pour la généalogie. Marie Capard, vous avez raison, il faut le dire. C'est vrai que la plupart des archives départementales ont mis d'état civil en ligne. Et c'est globalement très très bien fait. Donc il est facile maintenant d'aller chercher ses ancêtres en restant à la maison, tranquillement. Je voulais vous demander malgré tout, parce que vous êtes une professionnelle, mais c'est très bien d'aller chercher ses ancêtres en regardant dans l'état civil. Jusqu'où peut-on aller facilement, parce que souvent on s'arrête au XVIIe siècle. Voilà, alors il y a bien entendu toutes les archives en ligne que vous avez, et on peut saluer le Gard qui enfin a mis ses archives départementales en ligne, c'était attendu depuis longtemps des généalogistes, mais il y a aussi toute une série de ce que moi j'appelle les sources collatérales, donc les sources locales, de justice locale, de bailliage, de seigneurie. Alors évidemment, toutes les familles ne vont pas être concernées, forcément, mais ça permet d'ouvrir d'autres champs de recherche, ça permet par exemple, mais pour cela, parce que ça, ce ne sera pas en ligne, bien sûr, pour des questions de budget, de moyens, et puis pour des archives qui vont concerner un petit village ou une personne, ben, on ne va pas forcément mettre les budgets pour les numériser. Et donc, il faut aller dans les centres d'archives. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, et spécialement les gens qui ont envie de rechercher des informations sur leurs ancêtres, sur leur famille. L'ordinateur, c'est très bien, c'est magnifique, c'est magique, ça permet, quand les archives sont fermées, d'aller en ligne retrouver ses ancêtres, mais oser porter la porte des bibliothèques, des archives, oser aller dans les salons, il y en a un chaque année à la mairie du 15e, oser apprendre, lire, n'ayez pas peur de dire, j'ai besoin d'apprendre comment retrouver mes ancêtres et comment connecter mon histoire familiale à la grande histoire, par exemple, on l'a vu avec l'engouement du centenaire, où il y avait vraiment énormément de personnes qui se posaient la Première Guerre mondiale. Ouais. Marie Capard, je vous rejoins, parce que dans les dépôts d'archives, il y a, en plus des trésors des archives, d'autres trésors que simplement le personnel à qui on peut poser des questions et que des professionnels extrêmement accessibles. Oui, non, mais vraiment, on peut leur rendre hommage sur cette démarche-là et sur ce goût de la généalogie qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, avec cette réflexion sur les frères et les sœurs, parce que Marie Capard, vous êtes l'auteur de Frères ennemis, Frères de sang, Frères de lait, les fratries dans l'histoire. Parce que les frères, c'est jamais simple à trouver. C'est vrai que faire la généalogie de manière ascendante, ça va. Mais dès voilà. Qu'on est sur les fratries, c'est plus difficile. Effectivement, la recherche des collatéraux, comme on les appelle, ça peut être quelque chose de plus compliqué à trouver, parce qu'il faut d'abord relever toutes les naissances d'un couple, vérifier s'il n'y a pas eu d'autres unions avant, après. Alors parfois, on peut déjà avoir des surprises. Et ces surprises, parfois, peuvent venir de façon très récente dans le temps. Ça peut être très proche de nous en termes d'apprendre qu'en fait, on a peut-être un demi-frère, une demi-sœur quelque part, ou que nos parents ont eu des demi-frères et des demi-sœurs. Et en remontant comme ça, on va aussi quelque part s'éloigner de ce que l'on connaît. C'est ce qu'on fait en généalogie. On part de ce qu'on connaît en général soi-même. On connaît sa naissance, son lieu de naissance, et on remonte vers ce qu'on ne connaît pas. Et en utilisant les fratries, on va parfois découvrir des lieux différents, des professions différentes, des latitudes complètement différentes, des gens qui ont immigré dans d'autres continents. Il y a des frères, un est resté en France, l'autre est parti à la Nouvelle-Orléans. Ou un est parti en Angleterre, ou en Belgique, ou après la Révolution française, tous ceux qui ont fui, les familles ont essaimé. Et du coup, les parcours sont très variés et c'est essentiel de savoir ce que sont devenus les frères de nos ancêtres. Bah oui, savoir ce qu'ils sont devenus, de façon à après retrouver les descendants, les inviter comme par exemple sur Antenne 2, et oui, c'est le 15 novembre 1983, une grosse fête de famille. Et oui, ils sont tous là, ils sont venus quand ils ont su que M. Robert Coulon, maire de Laigne-en-Velin, réunissait tous les descendants d'un de ses ancêtres morts il y a deux siècles. Au total, 700 cousins qui, avant les rillettes du banquet, ont pu faire connaissance et cultiver l'esprit de famille à la messe. Un esprit de famille qui n'est d'ailleurs pas dénué d'esprit saint, puisque chez les Coulons, il n'y a pas moins de 4 prêtres. Mais le grand moment de la journée aura été l'exposition de l'arbre généalogique. Plus de 48 mètres de long, le fruit de 35 années de travail, il en a coulé de l'eau sous les ponts de la Sarthe. L'arbre familial a donc pu fleurir jusqu'à compter plus de 50 branches. La fête des Coulons a duré toute la nuit. Et selon quelques indiscrétions, elle n'aurait pas été totalement consacrée à la remise à jour de l'arbre généalogique. Bah dis donc, qu'est-ce que ça veut dire que cette fête de famille n'aurait pas été totalement consacrée à la remise à jour de l'arbre généalogique ? Il y a des sous-entendus dans ce reportage sur Antenne 2 en 1983. Je me tourne vers vous, alors Zwilling, vous avez étudié les frères et sœurs dans la Bible, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions du Cerf. Donc vous êtes sur une notion biblique de frères et de sœurs, et nous parlons actuellement de la généalogie, de l'intérêt pour la généalogie. Il y a une construction globale, un intérêt particulier aujourd'hui sur ces notions-là. Si vous étudiez, vous, les frères et sœurs dans la Bible, c'est que vous êtes en écho aussi aux intérêts du moment. Bien sûr, quand on va dans les rayons de la FNAC ou autres librairies, si vous regardez dans les rayons pédagogie, le nombre d'ouvrages qui sont consacrés à la façon dont il faut gérer les fratries, comment faire en sorte que les frères et sœurs s'entendent, comment faire vivre nos enfants, etc. La difficulté de la relation fraternelle, elle se mesure en mètres linéaires de livres vendus. Alors vous, Marie Capard, vous croisez les généalogistes qui osent se déplacer aux archives, et ils ont raison de le faire, ceux qui quittent leur écran d'ordinateur. Quelles sont les motivations en fait ? Parce que c'est vrai que dans le cliché, on va dire c'est un loisir de retraité, ce qui n'est pas du tout le cas, moi-même. Mais bon, quand on s'intéresse à l'histoire, on aime bien aller jeter un œil. Quelles sont les motivations ? Alors, ce n'est pas du tout effectivement un loisir de retraité, loin de là. Il y a eu une enquête menée par une grande compagnie généalogiste française qui a montré que les généalogistes se rajeunissaient vraiment complètement. Et au niveau des raisons, moi j'en pointe quelques-unes. J'en pointe vraiment une curiosité culturelle, déjà, de un, pouvoir replacer sa famille dans le temps, l'espace, les retrouver dans les archives et les lier, comme avec la Première Guerre mondiale, le lien entre la petite histoire, micro-histoire et les grands événements. Et pouvoir dire, ah, mon ancêtre, il était à telle bataille, ou mon ancêtre avait telle propriété, ou venait de tel village où s'est passé tel événement. Donc ça, c'est une raison. Alors, il y a une autre raison qui est le besoin de connaître sa filiation légitime, et puis aussi peut-être ses fratries légitimes. Et là, dans ce cadre-là, il y a vraiment un grand besoin aussi, on ressent un grand besoin des gens, notamment dans le cadre de l'adoption, de connaître ses racines, de partir à la recherche de sa famille biologique. Et dans ce cadre-là, il y a par exemple toute la question, pour l'instant, je sais, sensible en France, des tests ADN récréatifs. Voilà, avec la discussion de la loi où les gens, il y a des personnes qui aimeraient bien pouvoir partir à la recherche de leurs racines. Et puis il y a toutes les questions éthiques que ça pose en termes de discussion. Et il y a aussi le besoin de reconnaissance aussi. Il y a ce besoin d'affirmer un lien par rapport à un patronyme, comme on en a discuté il y a quelques jours, et par rapport à des lignages aussi. Et alors toute la question est justement de montrer la difficulté aussi, c'est que la plupart de ces archives liées aux lignages et aux grandes familles, comme on l'a vu il y a quelques jours, ces archives sont certaines sont fabriquées, d'autres sont plus authentiques, mais disons qu'elles ne remontent pas aussi loin. La conception de famille du Moyen-Âge n'était pas celle de l'ancien régime, enfin de la période moderne. Et Les gens parfois ont du mal, ils veulent absolument se trouver être le descendant de telle famille royale ou de telle grande famille, mais par exemple le petit de ne fait pas tout, c'est pas parce qu'on a un petit de par exemple qu'on voilà, est, la particule voilà. ne la fait particule pas la noblesse, voilà. Nous le savons bien, et puis surtout on peut être très heureux et très fier de ses ancêtres s'ils étaient agriculteurs. Marie Capard, vous tout évoquez des émissions du cours de l'histoire, c'est vrai, d'il y a quelques jours sur les lignages, des histoires, des cours de l'histoire, ces émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet franceculture.fr. Vous pouvez les podcaster aussi, comme ça, ça permet la réécoute, ou bien nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Nous pourrons encore discuter de ces émissions, de l'actualité du cours de l'histoire et de l'actualité de la recherche historique. Mais nous allons continuer de discuter de ces relations fraternelles. Ces relations sublimes, mais parfois un peu difficiles quand elles sont bibliques. Nous allons en discuter, mais avec celle qui est une sœur pour nous, Anaïs Quien. Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors Anaïs, aujourd'hui dans le journal de l'histoire, la revue Sensibilité consacre son dernier numéro à l'intime. Les paradoxes de l'intime, c'est le titre de la 6e livraison de la revue Sensibilité, Sensibilité au pluriel. Une revue d'histoire, de critique et de sciences sociales qui ambitionne avec succès de renouveler le genre. Qu'est-ce que l'intime? Et si l'on s'en fait une idée, les sciences sociales peuvent-elles y accéder pour en rendre compte? Les auteurs, sous la direction d'Arlette Farge et de Clémentine Vidal-Naquet, y explorent sa dimension profondément historique et politique. Dans le foisonnement de ce numéro, Anoush Kunt s'empare des batailles livrées par les familles face aux violences de masse. Sur les traces des Arméniens, des Juifs d'Europe de l'Est, l'historienne traque la recomposition des familles après la destruction à travers les correspondances et les témoignages d'auteurs emblématiques de ces peuples exilés. Si les archives administratives tentent de dresser la liste des disparus, elles ne disent pas comment les liens familiaux sont atteints après avoir été soumis à la violence et à l'arrachement du milieu où ils étaient nés. Car les génocides ciblent l'unité élémentaire de vie des populations en les déplaçant, en les séparant, en commençant par tuer les hommes, les pères, les frères. Zabel Essayant, écrivaine, témoigne des scènes du bouleversement affectif dans les centres de réfugiés de la Croix-Rouge. Des mères qui ne peuvent plus vivre avec leurs enfants, pourtant rescapés aussi, quand l'expression des sentiments élémentaires devient impossible, jusqu'à l'abandon. Avoir survécu ensemble à la tentative d'effacement ne garantit pas de se retrouver. Les membres d'une même famille se séparent parfois pour se reconstruire ailleurs, en dehors du regard de ceux qui portent la même mémoire, les mêmes souvenirs traumatiques. Anoush Kunt évoque aussi comment les liens affectifs s'improvisent. Les adoptions entre survivants, les fratries réinventées dans les orphelinats et l'importance de se constituer une famille après pour conjurer la destruction quand l'intimité reprend place. Une place troublée dans les mémoires d'Aaron Appelfeld qui devient lui aussi un écrivain célébré après la Shoah mais avec un sentiment coupable de ne pas parvenir à rendre compte des derniers instants de ses morts, de ne pas pouvoir les enterrer à l'abri d'un rituel familial ou faire son deuil. Dans ses paradoxes de l'intime, Caroline Muller, historienne elle aussi, expose une partie de son travail de thèse sur la direction de conscience et la confession au XIXe siècle. Depuis le concile de Latran en 1215, tout catholique se doit de se confesser au moins une fois par an, un moment de dévoilement de soi imposé par le culte pour éprouver la bonne pratique, pour se montrer bon catholique, on tient les registres et garder le droit de communier à la fin de chaque messe à laquelle on ne manquera pas de se rendre chaque dimanche. Que cherchent celles et ceux qui s'adonnent à la direction de conscience à ce lien entre leur intimité, leur directeur et Dieu ? Tout dépend de la vie qu'on a et du sexe, que l'on a. Si l'intime est censé renfermer l'authenticité, toute la singularité d'un individu, les réponses religieuses se cantonnent le plus souvent à des stéréotypes en fonction du sexe du fidèle pour garder l'ordre catholique genré intact. On dispense une morale du sacrifice de soi et de la maternité pour les femmes, l'obéissance au mari aussi, et aux hommes une morale du travail et de l'honneur, autant dire qu'on ne répond pas à toutes les questions qui se posent au cours d'une vie. On se rebelle d'ailleurs parfois à confesse, comme Madame Rakowska, qui désespère son directeur de conscience parce qu'elle ne l'écoute pas, insatisfaite qu'il refuse de prendre en considération son caractère singulier. De l'histoire de la confession, de la maternité, à la révélation de l'intime au quotidien des adolescents incarcérés, en passant par les conceptions de l'intime au Japon qui contrarient la définition occidentale, le dossier de la revue Sensibilité explore les multiples facettes de l'intimité sans les épuiser et l'on s'en réjouit. Et si vous manquez de temps, lisez au moins son introduction inspirée, signée par Clémentine Vidal-Naquet. Merci beaucoup Anaïs Quien. Oui, il faut faire preuve de sensibilité. Des informations à retrouver sur le site internet franceculture.fr dans la page Le Journal de l'Histoire. Le Journal de l'Histoire à écouter et à réécouter en podcast. Marie Capard, vous êtes généalogiste et nous venons d'entendre Anaïs nous parler de l'intime avec cette revue Sensibilité. C'est ce qui manque souvent à la généalogie. Nous sommes à la limite de l'intime. Où trouve-t-on l'intime ? Alors, l'intime peut parfois se révéler dans des archives tout à fait inattendues, au détour d'une lettre de correspondance, les pièces pour les mariages, avec parfois des justifications d'opposition au mariage, ou de rivalité entre frères aussi. Voilà, mais parfois, elle se devine. Il faut vraiment aller dans... Il faut vraiment... C'est sous-entendu. Il faut vraiment, à un moment donné, essayer d'additionner les sources pour se plonger dans un climat d'émotion des familles et de se rendre compte de quelle était la nature, parfois. Et parfois, probablement, on doit être à des lieux de la vérité, hein, peut-être. Hein, mais on peut essayer de toucher du doigt la vraie nature des relations entre frères et des relations dans les familles, dans les archives notariales, avec les partages et tout ça. Et vous, Anne-Laure Sweeling, c'est vrai que quand Anaïs Quien nous montre en fait les avancées de l'historiographie autour de la notion d'intime. Vous travaillez sur les frères et les sœurs dans la Bible, mais toutes les avancées de l'historiographie vous intéressent, ce qui donne sans cesse du nouveau à l'approche du sujet. Bien sûr, et dans le même temps, on voit aussi les résonances importantes de choses que je viens d'entendre là, avec des éléments qui sont déjà racontés dans les textes bibliques. On voit des espèces de permanence, de sentiments, de difficultés de relations, et aussi de l'immense capacité de résilience de l'être humain pour reconstruire et encore refaire des relations, y compris dans des moments terriblement traumatiques et terriblement difficiles.